La Fauvette bleue, récit des bords de la Loire, de Théodore Pavy. Chapitre 1er, la pierre bécherelle. Un peu au-dessous du confluent de la Maine et de la Loire, sur la rive droite de ce fleuve, on voyait se dresser, il y a peu d'années encore, un rocher à pic d'un aspect pittoresque. On le nommait la pierre bécherelle. Les chemins de fer sont venus, la pierre bécherelle se trouvant devant eux, ils ont jeté bas le rocher qui lui servait de base et lui ont passé sur le corps. Il ne reste plus qu'une pointe écornée que l'on prendrait de loin pour un menhir. Ces voies ferrées en ont fait bien d'autres. Combien de collines éventrées, d'horizons masqués, de paysages balafrés, sans parler des jardins gracieux détruits pour toujours, sans compter les parcs mystérieux coupés en deux morceaux, et dont les allées, pareilles au tronçon du serpent, cherchent vainement à se rejoindre. Mais tout est au mieux, dans le meilleur des mondes. La locomotive siffle et se rit de vos regrets, le train vole sur les rails et la vapeur triomphe. C'est égal, la pierre bécherelle méritait un autre sort. Située au point où la Loire, enrichie par tous ses gros affluents, se développe dans sa plus grande largeur, ce rocher, facilement abordable du côté de la terre, formait comme un observatoire du haut duquel tout homme épris des beautés de la nature, peintre, poète ou rêveur, pouvait contempler à l'aise le magnifique panorama d'un fleuve de premier ordre, roulant à travers des îles verdoyantes et des grèves jaunes, ses flots majestueux. Cher aux éperviers, qui aimaient à nicher dans les trous de la roche tapissée de lierre jusqu'à sa cime, la pierre bécherelle servit parfois de station aux aigles, qui, égarés par les brouillards de l'hiver, descendent des montagnes du centre de la France et, s'abattant sur nos provinces de l'ouest, les traversent d'un vol inquiet comme des âmes en peine. Au sommet de ce rocher mutilé, dont on ne voit plus aujourd'hui que les ruines, se tenait assis, par une belle matinée du mois de mai, un homme maigre, chauve, vêtu d'une longue redingote. Depuis 10 ans qu'il habitait le pays, le docteur Christian, c'était son nom, venait chaque matin faire une station sur la pierre bécherelle. Après avoir servi longtemps dans la marine, il avait fait élection de domicile sur les bords de la Loire. Les gens qui ont beaucoup voyagé savent mieux que les autres apprécier les sites pittoresques, et lorsqu'ils renoncent à la vie active, ce n'est point au hasard qu'ils choisissent les lieux où ils espèrent passer en paix les années de leur vieillesse. Le docteur Christian vivait seul dans une maisonnette bâtie sur un coteau exposé au midi. Il partageait ses jours entre les excursions dont l'étude des plantes et des oiseaux était l'unique but, la culture de son jardin, et aussi les soins qu'il prodiguait gratuitement aux malades de la commune. Il était du nombre de ces gens toujours occupés, partant toujours heureux, qui ne cessent d'observer, de comparer et de s'instruire. Leur existence est douce, tranquille et enviable. Par malheur, ils y trouvent une satisfaction si complète que d'ordinaire ils arrivent à la dernière heure sans s'être inquiétés un instant de ce qu'il peut y avoir au-delà de la vie présente. Chaque matin, comme nous l'avons dit, le docteur Christian s'asseyait au sommet de la pierre bécherelle et là, dans une contemplation intense, il prêtait l'oreille aux 1000 bruits qui signalent le réveil de la nature. Pour témoin de ses méditations et pour compagnon de ses promenades, il n'avait qu'un petit chien du nom de Bistouri, barbé aux poils noirs, bon trotteur, un peu hargneux, et qui faisait de l'histoire naturelle à sa manière, en chassant les sauterelles et en déterrant les mulots au fond de leurs trous. Le docteur resta environ un quart d'heure, immobile et attentif, savourant en véritable dilettante l'impression de bien-être que chacun nous ressent à la première heure d'un beau jour. Le soleil versait la lumière dorée de ses rayons sur les coteaux bleuâtres de la rive gauche du fleuve. Les saules et les léards plantés sur les îles et à demi baignés par les eaux découpaient leur feuillage tendre sur le sable fauve des grèves. Du fond du vallon montaient les accents sonores du rossignol qui font songer au pipeau des bergers de Virgile. Au pied de la roche, l'ombre couvrait encore un petit bras de la Loire, étroit et rapide, que parcourait en ce moment un bateau de pêcheurs. Le bruit de la rame frappant l'eau profonde attira l'attention du docteur. Il se pencha du haut de son observatoire et, animé d'une soudaine pensée, il se mit à descendre. Bistouri, qui ne demandait qu'à courir, prit les devants à travers les ronces et les buissons en poussant des aboiements joyeux. Le bateau venait de s'arrêter dans une anse, près d'un banc de sable. À la poupe se tenait un vieux pêcheur qui retirait lentement ses filets à la proue, une jeune fille svelte, élancée, la tête couverte d'une large câline qui retombait sur ses épaules, s'appuyait sur une gaffe, empêchant ainsi le batelet de s'en aller au courant. « Tiens, dit la jeune fille, voilà Bistouri. Le docteur n'est pas loin. »« Il fait sa tournée du matin, répliqua le pêcheur sans lever la tête. Ne l'as-tu pas vu là-haut perché comme un héron sur la pierre bécherelle ?» Presque au même instant, le docteur parut sur le rivage. « Bonjour, père Léonard. Bonjour, Madeleine. La pêche est-elle bonne ce matin ? Comment allez-vous, mes braves gens ?»« La pêche n'est pas fameuse, répondit le pêcheur. Je n'ai là que du poisson blanc. Quant à la santé, elle est meilleure grâce à vous, docteur. La fièvre m'a quitté. Vous voulez peut-être passer dans l'île de Béhuard ? Je ne serais pas fâché d'y faire un tour, dit le docteur Christian. À cette époque de l'année, on a chance d'y trouver des plantes curieuses et des oiseaux rares. Ah, reprit la jeune fille en souriant, je parierais que vous êtes en quête de votre fauvette bleue. Sans doute, Madeleine, répondit le docteur. Cette fauvette ne se trouve nulle part ailleurs que dans les oseraies de la Loire. Elle n'y est pas commune tout de même, à ce qu'il paraît, car il y a longtemps que vous la cherchez. À force de patience, je finirai peut-être par l'apercevoir. Ça ne vous dérange pas trop ce matin, père Léonard, de me conduire dans l'île ? Quand ça me dérangerait, je ne serais pas encore quitte envers vous, monsieur Christian. Puisque vous ne voulez pas qu'on vous paye, il faut bien qu'on vous oblige. Le pêcheur avait approché son bateau du rivage. Bistouri sauta le premier. Il allait et venait de la poupe à la proue d'un air affairé, mettant ses pattes sur le bord et flairant l'eau. Le docteur, debout au milieu du batelet, promenait ses regards sur les flots transparents dans lesquels la rame traçait un sillon d'argent. Les hirondelles de rivage, au dos gris, rasaient le courant et folâtraient en poussant des cris joyeux. Arrivé à la pointe de l'île de Béhuard, le docteur se fit débarquer sur le sable et dirigea sa course vers les luisettes, plantations d'osiers, qui croissent spontanément dans le limon de la Loire. Leurs touffes glauques forment une ceinture épaisse autour de cette île riante que l'on croirait sortie la veille du sein des ondes comme une corbeille de verdure. Elle est pourtant d'une formation ancienne, et il y a bien des siècles que les alluvions l'ont élevée au-dessus du niveau habituel de la Loire. Au XIIIe siècle, on y voyait déjà une chapelle célèbre dans toute la contrée. Louis XI, si amoureux de la belle province d'Anjou qu'il finit par l'enlever à son oncle, le duc René, remplaça cet antique sanctuaire par la charmante église que l'on voit encore, et il y fit placer, dans un vitrail aux couleurs flamboyantes, son profil triste et sournois. Le docteur, plus épris de l'histoire invariable de la nature que de l'histoire changeante des hommes, attachait une médiocre importance à ses souvenirs. Tout entier la poursuite de la fauvette bleue, il se plongeait au milieu des luisettes, épiant le vol du moindre oisillon, écoutant avec une attention suprême les gazouillements qui troublaient de temps à autre ses retraites solitaires. Parfois, le sol limoneux cédait sous ses pas, et ses souliers restaient enfoncés dans la vase. Les branches serrées des osiers lui bridaient le visage. Il allait toujours, et ne voyait rien que des mésanges vulgaires ou bien ces moineaux frétillants qui aiment à nicher dans les saules creux et que les riverains nomment d'épaisses solettes. Les houppes de duvet soyeux qui s'échappaient des tiges fleuries des luisettes saupoudraient de points blancs la redingote brune et le chapeau du docteur. Quelques ronces tenaces, enracinées çà et là dans les terrains plus fermes, écorchaient ses mains. Son front était baigné de sueur, mais il avait confiance. L'oiseau qu'il cherchait devait être là ou ne se rencontrer nulle part. Pendant plusieurs heures, le docteur Christian parcourut en tous sens ces longues oseraies, terrain vague entre la terre et l'eau, aussi désert que les savanes de l'Ohio. Arrivé à un endroit plus fourré encore et presque impénétrable, il crut apercevoir l'aile bleue d'un petit oiseau qui gazouillait en se glissant sous les branches. « Derrière, Bistouri, derrière !» dit à demi-voix le docteur en cherchant à modérer la course vagabonde de son barbet. « Eh mon Dieu, je crois en vérité que c'est elle. Aurais-je une vision ?»« Non, la mésange n'est pas de ce bleu velouté. Et puis ses mouvements légers, vifs, brusques en même temps, ce gazouillement animé, rapide, tous ces caractères n'appartiennent qu'aux fauvettes. » L'oiseau fuyait. Il coulait sous le feuillage et se plongeait dans l'ombre pour reparaître au soleil. Le cou tendu, haletant et cherchant à retenir sa respiration, le docteur avançait le plus vite qu'il pouvait et faisant le moins de bruit possible. Mais en dépit de toutes les précautions qu'il prenait, quelques branches sèches éclataient sous ses pieds. Le gentil petit oiseau s'éloignait toujours, on eût dit qu'il y mettait de la coquetterie et qu'il prenait un malin plaisir à se dérober aux regards avides du docteur. Celui-ci avançait pas à pas. « Je parierais bien que c'est elle, » disait-il en se parlant à lui-même. « J'en suis à peu près sûr. Mais enfin, il me manque encore la certitude, sans laquelle il n'y a pas de notions exactes en histoire naturelle. Ah, petit oiseau, tu as des ailes, et moi je n'ai que des pieds. Entre nous, la partie n'est pas égale. Oh, le voilà qui se pose. Une minute, une seconde encore, et je saurai, à n'en plus douter si j'ai bien là, devant les yeux, la fauvette bleue. » L'oiseau venait en effet de s'arrêter dans sa course, mais le bruit sec d'une grosse branche qui se brisait, la chute d'un corps pesant à travers les luisettes et les aboiements réitérés du bistouri lui firent immédiatement reprendre sa volée. Au lieu de la fauvette bleue qu'il croyait déjà tenir, le docteur avait devant les yeux un jeune homme évanoui, étendu tout son long sur le sol humide, si près du fleuve que l'extrémité de ses pieds touchait les eaux.